feinte, plus rien ne rallume. Où l'on passe le temps, un peu comme on se noie dans la passette à thé, autour d'un joint qui fume. Est-ce l'avoir trop ri ou l'avoir trop pleuré? Est-ce l'avoir trop cru ou l'avoir trop douté? Que me vient tout à coup cette envie de chanter, comme pour effacer les mauvaises années. Tout c'est pas inutile et le poids du passé. Le temps est si lourd à nos âmes lézardées. Prendre train pour ailleurs, échanger ses regrets pour un peu de hasard, et traverser la nuit en oubliant ses peurs, sur le quai déserté, sans un dernier regard. Est-ce d'avoir trop pris ou d'avoir trop donné, d'avoir trop attendu ou d'avoir trop joué? Ma voix comme un oiseau tardif et bavard s'envole pour te dire qu'il n'est jamais trop tard. Et porté par cette aile sortie de ma guitare, quelques notes, un refrain, comme un plaisir trop rare. Sur l'inconnu.